sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à votre service, une série de Jérôme Sandelars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a des images, des romans et des films qui racontent la domesticité, la lutte des classes qui s'y joue et l'intimité qui va avec. Mais comment on devient domestique? Et quelle différence entre hier et aujourd'hui? Alors pour commencer, les personnages. Une jeune femme qui se forme, une formatrice pointilleuse, une chercheuse qui explique, un formateur qui transmet, un marquis qui raconte et un majordome qui se raconte. Ensuite, le décor. Des fourchettes, des manuels de bonne conduite, des sonnettes, les vestiges du jour, des trains de vie, des liens étranges, du vocabulaire, des conventions, des manoirs, des châteaux et des grandes fortunes. Aujourd'hui, premier épisode, on met la table. Alors Cynthia, je vais vous demander de mettre un couvert. Un seul couvert, ça me suffit, avec un menu que je vais vous dicter, que je vais vous laisser, de façon à ce que vous adaptiez le couvert au menu, forcément. Apprendre à servir. Donc voilà le menu du jour, c'est une assiette de crudités avec chiffonnade de jambon cru. Ensuite, nous aurons un médaillon de veau et son jus légèrement crémeux. Nous aurons une poêlée de légumes forestiers pour l'accompagner. Il y aura un plateau de fromage et il y aura pour le dessert une tarte aux pommes accompagnée de crème anglaise. Il y aura bien sûr du vin, de l'eau et ensuite il y aura un café. Voilà Cynthia, donc on va vous laisser organiser comme vous le souhaitez. Je ne dis rien et ensuite nous verrons ensemble. C'est bon ? Allez-y. Cynthia, je peux vous interrompre une seconde ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous motive à suivre cette formation avec Caroline de Valroger et Laurence Marceau ? J'ai envie d'apprendre et de perfectionner l'art de la table. J'ai toujours voulu faire ça, mais je me sentais maladroite. Vous travaillez dans l'hôtellerie ou qu'est-ce que... travaillé dans l'hôtellerie. J'étais en Angleterre et en Irlande. Et bon, eux, c'est différent, leur façon de servir. Parce que ici, franchement, la façon dont on fait les choses, c'est avec beauté, avec beaucoup d'amour, on va dire. Je vous laisse finir votre exercice. Merci beaucoup. Alors, Cynthia, maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez la position des fourchettes que vous avez positionnées à gauche. Vous avez posé les fourchettes, là, les dents des fourchettes, dans quel sens ? Dans le sens couché. Dans le sens de la courbure de la fourchette sur le dessus. Donc, vous avez mis les dents de la fourchette du côté de la nappe, mm-hmm. N'est-ce pas ? Et ça, est-ce que vous avez idée de comment on appelle cette forme de couvert ? Non. Non, c'est pour ça que vous êtes là. Mais ce qui est formidable, c'est que d'instinct, vous l'ayez fait à la française. Ah, tant mieux. Dans le couvert anglais ou international, on renverse tout de l'autre côté. On aura l'occasion de développer ça un petit peu plus tard. Très bien. Et vous ne m'avez pas mis du tout de serviette. Alors, la serviette, j'y avais pensé pour le logo, comme ça. Alors, ça ne s'appelle pas un logo. Dans une maison, ça s'appelle un chiffre. Hein. Ce sont des lettres, mais ça s'appelle un chiffre. Un chiffre, c'est les deux initiales des deux familles qui se sont alliées à un moment quelconque. Il n'y en a pas partout, hein, mais il se trouve que là, je vous en ai mis une exprès pour voir comment vous alliez faire. Et vous avez commencé déjà par me mettre le chiffre plié en deux, ce qui aurait été une offense totale dans une maison d'avoir le chiffre coupé en deux. Hein. Et je suis ravie parce que d'un coup, vous êtes ravisée et vous avez quand même pensé à mettre le chiffre centré et à présenter donc le chiffre visible. Voilà, donc c'est très très bien. Et vous l'avez roulé un petit peu en forme d'un petit rouleau qui est joli, qui était élégant. Vous avez fait un choix qui est tout à fait possible. Et il y a encore pas mal de petites choses à dire, mais c'était pas si mal. Lisée Delpierre, vous êtes sociologue, rattachée au CNRS et à Sciences Po, et vous avez soutenu une thèse intitulée « Servir et être servi ». Est-ce qu'on peut parler de formation de la domesticité en France ? Alors, du point de vue historique, il n'a jamais existé de réelle formation à la domesticité. La formation, on peut le dire, en fait, de domestique, était une formation qu'on pourrait qualifier d'interne. C'est-à-dire qu'elle était faite au domicile de la bourgeoise. Et c'était la bourgeoise, ou l'aristocrate, comme vous voulez, qui formait son personnel. Et parfois, le personnel formait le nouveau personnel aussi. Donc, c'était une formation interne, en fait. On pourrait s'étonner que ces bourgeoises puissent former les domestiques si elles-mêmes ne font pas les tâches domestiques. Mais en fait, il faut bien se dire que même au 19 et au début du 20e, milieu du 20e, même quand on est une femme bourgeoise aristocrate, on est avant tout une femme aussi. Et donc, en fait, on est censé savoir gérer un foyer, savoir quand même faire les tâches ménagères, même si on ne les fait pas. On est censé pouvoir donner des consignes à ses domestiques. Et ces consignes-là, ces femmes les ont aussi par la lecture de ce qu'on appelait en anglais les conduct books, qui étaient les manuels de bonne conduite féminine. À partir du XVIIe siècle, on avait déjà les premiers conduct books, manuels de bonne conduite en français, qui circulaient dans les milieux bourgeois pour éduquer les femmes. Elles avaient, ces femmes-là, un devoir aussi en tant que femmes bourgeoises et aristocrates de bien s'occuper de leurs domestiques en leur transmettant aussi des savoirs. Il y avait tout un enjeu très ambivalent de se faire servir, mais en même temps quand même un enjeu très maternaliste derrière qui était de s'occuper de la petite bonne qu'on avait un peu sauvée de sa campagne et de l'éduquer et donc de lui apprendre quand même un tas de choses, y compris savoir gérer un foyer. Parce qu'aussi, au 19e, le début mi-20e siècle, la domesticité était avant tout temporaire. On était domestique avant d'être marié, quand on était une jeune femme. Et donc, en fait, passer par la case domestique, c'était aussi apprendre à être une bonne épouse, en fait, et ensuite une bonne mère de famille, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'était pas que les milieux populaires qui envoyaient leurs enfants être petites bonnes. Il y avait aussi de la petite bourgeoisie de province, en fait, qui allait à la ville pour être bonne, pour apprendre tout ça. Parce que derrière, il y avait l'enjeu du mariage et on sortait de la domesticité par le mariage. Entrez. Qu'y a-t-il, Lizzie ? Je voudrais vous donner mon congé, s'il vous plaît, Miss Kunt. Oh. Pourquoi ? Charlie et moi, on serait pour se marier. Oh, Lizzie. Avez-vous réfléchi à cela avec soin ? Oui, Miss Kenton, c'est fait. Vous vous en sortirez très bien ici. Je crois que vous avez une belle carrière devant vous si vous persévérez. On serait pour se marier, moi et Charlie. Charlie et moi. Lizzie, j'aimerais avoir les mots pour vous dire cela. Vous savez, c'est une chose que j'ai vu se produire maintes et maintes fois. Une jeune fille se précipite dans le mariage et n'y trouve que déception, en fin de compte. Et sur le plan finance ? Nous, on n'a pas un sou. Mais c'est pas grave. Vous verrez, c'est loin d'être facile de vivre pauvre. Lorsque j'ai des élèves, je leur recommande toujours de lire l'excellent livre d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre, et de regarder plusieurs fois le film Les vestiges du jour de James Ivory avec Anthony Hopkins et voir que le majordome doit tout connaître des habitudes de ses maîtres et totalement s'identifier à cette maison. Ça, c'est ce que je recommande aux élèves. Voilà, de rentrer dans la peau du personnage au travers du film. Aujourd'hui, donc, vous n'êtes pas loin de la retraite, Gilles Montbrion. Vous avez eu envie de transmettre à votre tour. Par quoi passent les formations que vous dispensez aux jeunes majordomes qui font appel à vous ? Alors, on a fait une session l'année dernière, enfin deux sessions avec Anne Debar à Montpellier. On a reçu cinq ou six élèves. Alors, je précise qu'Anne Debar, c'est quelqu'un qui a monté une boîte qui s'appelle Étiquette à la Française, voilà, c'est ça ? Qui intervient dans les grands hôtels, dans les grands ministères et à l'étranger. Donc, on a fait un peu comme dans l'école hôtelière, mais là, on l'a fait en 7 jours. On leur a parlé le maximum en leur demandant de noter. Et puis après, il y a les exercices du linge, de la vaisselle, de l'argenterie, de la verrerie, l'entretien des essences de bois. L'ennemi de majordome, c'est les ilophages, les petites bestioles qui mangent le bois. ou alors les termites ou les mythes, etc. Donc il faut de temps en temps bouger les meubles pour voir si dedans il n'y a pas des charançons, pas toutes des petites bestioles comme ça, les traiter rapidement. Et puis toute la partie qu'on appelle le back office, tout ce qui se passe derrière le bureau, derrière l'office. Voilà, tout leur apprendre toutes ces petites choses, comment classer, comment ordonner. Puis quand vous allez dans une salle de bain, regardez les belles choses, les beaux marbres, etc. Puis maintenant, il y a des portables. Donc on peut faire, j'ai dit, quand vous allez entretenir une salle de bain d'une personne que vous ne connaissez pas, faites une photo de la mise en place pour leur remettre les choses en place. Hein, exactement. Parce que les gens, les happy few, que j'appelle, aiment beaucoup retrouver en place leurs choses. Voilà. Ce genre de cours s'intéresse à ceux qui ont déjà eu une expérience déjà en hôtellerie restauration. Parce que former en 7 jours quelqu'un qui n'a pas, même en 1 mois, quelqu'un qui n'a pas de base, c'est pas possible, j'y crois pas. Être majordome, c'est avant tout un état d'esprit. Il faut aimer être au service de l'autre. Alizée Delpierre, alors vous êtes plus spécifiquement intéressée à la domesticité au 19e et 20e siècle. Est-ce que l'on pourrait tenter de tracer à grands traits les contours de son histoire ? Si on lit les travaux des historiens sur la domesticité au 19e puis 20e siècle, on a la figure de la bonne à tout faire, hein, qui est la figure qui s'impose en fait à la seconde moitié du 19e siècle, qui est en fait... la bonne qui travaille chez monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Alors, à cette époque, il y a quand même une large partie de la population qui peut se payer une bonne parce que les bonnes étaient très mal payées. En fait, elles avaient des gages, ce qu'on appelait des gages. Et donc, du coup, contrairement à aujourd'hui où très peu de gens en France ont une employée de maison à temps plein chez eux, à cette époque-là, c'était beaucoup plus accessible. En revanche, il y a dans d'autres milieux sociaux où on avait plusieurs domestiques. Dans ces milieux fortunés, plus fortunés, on pouvait avoir 2, 3, 4 domestiques, pour déjà la bourgeoisie. Et puis ensuite, on pouvait avoir une dizaine de domestiques, voire plusieurs dizaines de domestiques. Et là, c'était plutôt dans les milieux aristocrates, très fortunés. Voilà. On mesurait la richesse de ces familles-là au nombre de domestiques qu'on avait. Et donc, dans cette domesticité, on avait une multitude de postes. La bonne à tout faire est une bonne polyvalente qui fait tout, alors que dans les ménages les plus fortunés, on a une spécialisation de la domesticité par poste. Donc le chauffeur, le majordome, la gouvernante, le valet de chambre, le premier, le second, le troisième valet de chambre, quand c'était des châteaux ou des très grandes maisons, la nanny, la nounou, voilà, on avait toute une multitude de postes comme ça. Et en fait, au tournant du XXe siècle, on va dire, la domesticité a commencé à diminuer chez ces milieux-là. Pourquoi ? Parce que le coût des domestiques est devenu plus élevé. Progressivement, durant le XXe siècle, les femmes ont commencé à accéder à d'autres fractions du marché du travail que la domesticité, à aller travailler à l'usine, et puis après-guerre, à aller carrément... voilà, on a eu une arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Et donc, du coup, elles ont augmenté leur salaire dans les grandes villes en tant que bonnes, voilà, pour avoir de meilleures conditions de travail. Donc, elles étaient plus chères. Et puis, il y a eu aussi un fantasme aussi bourgeois du fait que ces femmes-là devenaient... trop dévergondées, trop confiantes, et donc, du coup, elles étaient ingérables, et on les veut plus comme domestiques. En fait, quand on regarde les statistiques que les historiennes ont pu récupérer de cette période, il n'y a pas eu une baisse flagrante de la domesticité. Mais néanmoins, les milieux qui entretenaient auparavant, au 19e siècle, au 18e siècle, des dizaines de domestiques, sont devenus de moins en moins nombreux. Parce qu'en même temps, on a eu un désargentement des catégories sociales aristocratiques. On ne pouvait plus avoir autant de domestiques et il n'y en avait plus besoin non plus. Parce qu'ensuite, au cours du XXe siècle, on a eu l'arrivée des, je ne sais pas si on peut appeler ça des appareils, mais en tout cas des technologies qui permettaient de faire plus vite les tâches ménagères. Et en fait, les historiennes identifient vraiment, autour des années 50-60, un tournant vraiment dans la composition de la domesticité en France, c'est-à-dire qu'on est passé en gros d'une domesticité à temps plein à une domesticité à temps partiel. C'est-à-dire que la petite bonne à temps plein est devenue la femme de ménage, pour le dire un peu grossièrement. Et donc, on a la figure de la femme de ménage, ou la figure de l'aide à domicile pour les personnes âgées, la figure de la nounou pour les enfants, mais qui sont majoritairement employées à temps partiel. Comment comment est-ce que je vous présente? Charles-Antoine de Vibray. Je rajoute pas Marquis? Il y a Marquis, mais là, entre nous, ça ira très bien. Charles-Antoine de Vibray, c'est parfait. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu l'histoire de votre famille, Charles-Antoine? D'abord, c'est une histoire de famille qui se conjugue avec l'histoire d'une maison et du domaine et du château de Cheverny, plus précisément, qui est une terre et un château qui appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles. Alors, la terre, elle, a 6 siècles, mais le château, lui, le château définitif dans lequel nous habitons est un peu plus récent, puisqu'il date du début du 17e. Donc, on a la chance que ce soit un grand château de la Loire, on le dit non pas par prétention, mais uniquement par vérité statistique, puisqu'il est ouvert au public depuis 1922, et on accueille un peu plus de 400 000 visiteurs par an, donc ça le classe parmi les grands châteaux de la Loire au titre de la fréquentation. On utilise communément l'expression « la vie de château ». Qu'est-ce que c'est que la vie de château, Charles-Antoine de Vibray? Pour faire tourner un château qui fait plus de 50 pièces, un domaine, il faut du monde. Voilà. Donc comme il faut du monde, donc forcément c'était donc du personnel de maison qui était affecté à plusieurs tâches. Et quand on visite Cheverny, quand on y prête une petite attention, on se rend compte que cette domesticité, j'allais dire au sens noble du terme, on la retrouve un peu partout. Dans la façon dont étaient disposées les chambres, les cuisines. Enfin, les anciennes cuisines du château sont au sous-sol, comme la plupart des cuisines. La salle à manger donc était au niveau en fait du rez-de-chaussée, même s'il était un petit peu surélevé. Et bien entendu, pour acheminer les plats, il y a un monte-charge. Les aménagements des combles, où les combles ont été transformés en chambres, ce qu'on appelait les chambres de domestiques, en fait. Hein. Ces mots-là, comme le mot domestique, domesticité, c'est presque des mots qui heurtent l'oreille contemporaine. Mais je pense que ça révèle, à partir du moment où ce sont des relations qui ont été gérées avec... D'abord avec professionnalisme, d'abord, avec courtoisie, ensuite, et après avec affection quasi familiale. Je n'allais pas dire qu'il y avait des relations d'une grande affectivité à chaque génération, avec chaque personne, mais il y a des personnages emblématiques. Quand on a du personnel qui travaille en dehors de la maison, la relation est un petit peu différente. C'est à partir du moment où ils travaillent dans vos murs que des liens particuliers se dessinent. Donc j'allais dire qu'il y a 3 liens. Il y a des liens de neutralité, des gens qui font bien leur travail, parfait. Et après, il y a des liens d'investissement. Alors quelquefois, ils peuvent l'être pour les deux. La personne et le monument, voilà. Et puis quelquefois, c'est que le monument. Alors, mon grand-oncle, lui, c'était son chauffeur qui s'appelait Détienne. Chauffeur et en même temps un peu cuisinier, maître d'hôtel, etc. Et mon grand-oncle lui a bien entendu laissé son logement de fonction jusqu'à sa mort. Et dire c'est amusant parce qu'au moment où vous en parlez, je me rends compte que son salon, c'est mon bureau. Maintenant, vous voyez comme quoi les choses évoluent un petit peu. Et puis, à ma génération, à moi, c'était une femme qui est toujours vivante, bien heureusement, qui s'appelle Annette, qui s'appelait Annette Cazin, qui maintenant s'appelle Annette Levent. D'ailleurs, même son mari, qui était en fait chauffagiste, il a arrêté sa carrière de chauffagiste et il est devenu le garde forestier du domaine. Cette dame dont vous parlez, donc Annette, oui. C'est ça, c'était l'équivalent d'une gouvernante. Comment vous décririez sa fonction? Oui, c'était ça. Oui, en fait, elle était véritablement chargée de s'occuper de la maison. Donc, en fait, elle était excellente cuisinière. Donc, il y avait toute une organisation de s'occuper de la maison, de s'occuper du ménage, de s'occuper de la cuisine. Il y avait donc son travail, sa mission, qui était celle que je viens de décrire. Mais j'allais dire, le côté rayonnant de sa personnalité occultait tout le reste. Pour nous, c'est la raison pour laquelle je dis que c'était une seconde mère. Voilà. Comment vous l'appeliez, Annette. Et elle, comment vous appelait-elle? Elle nous appelait, oui, c'est une très bonne question. On était tutoyés jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, on était vouvoyés. C'était, je prends ma fille, c'était Isor tu, et après Isor vous. Voilà. Et totalement naturellement, c'est ça qui est incroyable. C'est là où on voit en fait la profondeur et l'intensité de cette relation, voire de cette complicité. On hérite d'un château, mais on hérite aussi d'un tas de pratiques culturelles, familiales. Et l'une de ces pratiques-là, c'est avoir recours à des domestiques et se faire servir. Et donc, en fait, c'est aussi une façon de perpétuer un héritage aussi à une époque où une partie de cette aristocratie se sent un petit peu en concurrence, mise en concurrence avec la nouvelle bourgeoisie très fortunée, financière, montante, qui en fait occupe leur place, entre guillemets, dans l'univers des classes supérieures, en fait, et dans le champ du pouvoir. C'est aussi une façon d'affirmer son identité d'aristocrate. Servir et être servi, je le rappelle, c'est le titre de votre thèse, Alizée Delpierre. Et vous y avez ajouté en guise de sous-titre « Le travail domestique à temps plein chez les grandes fortunes ». Qu'entend-on aujourd'hui par « grande fortune » ? Il n'y a pas de définition, on va dire, moi je les ai définis par un certain niveau de capital économique qui est en gros le million. C'est-à-dire pour moi, les grandes fortunes, ce sont des gens qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, voire milliardaires. Et donc pour mon travail de thèse, j'ai rencontré voilà, des gens qui étaient principalement multimillionnaires, voire milliardaires. Donc ces grandes fortunes-là, elles sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. C'est ce que montrent beaucoup de travaux d'économistes hein, là-dessus, sur l'accroissement des inégalités sociales. On a un accroissement parce qu'on a une polarisation de la société en deux, avec justement une augmentation de ces très hauts niveaux de richesse. Et les grandes fortunes, elles ne sont pas homogènes. On a une fraction qu'on pourrait appeler de la grande fortune ancienne, très clairement l'aristocratie et la grande bourgeoisie française, dont une partie reste quand même très fortunée. Et la seconde fraction de ces grandes fortunes, ce sont les fortunes récentes. Donc je parle là concrètement de traders, de banquiers, de PDG, qui ont aussi parfois des fonctions politiques d'ailleurs. Voilà. Donc des gens qui n'ont pas hérité depuis plusieurs générations de leur richesse, contrairement à l'aristocratie. Ce que vous précisez dans votre thèse, Alizée Delpierre, c'est que la France compte environ 700 000 millionnaires aujourd'hui, ce qui la place en cinquième position, juste derrière les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine. Et ces très hauts revenus, où vivent-ils ? Eh bien, à Paris, dans les quartiers chics, à Neuilly, dans les Yvelines, ou encore en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On retrouve aussi les cabinets de recrutement, d'ailleurs, qui sont chargés de leur dénicher du personnel de maison haut de gamme. Et il y a une question qu'on pourrait se poser. C'est qu'est-ce qui les conduit à s'entourer de domestiques et finalement à vouloir être servis, ces grandes fortunes que vous avez rencontrées ? Alors, ces grandes fortunes ont plusieurs motifs de recrutement de domestiques. Sans doute le plus évident à leurs yeux, c'est ce qu'elles appellent un « besoin » entre guillemets de domestiques, puisqu'elles ont un mode de vie, un train de vie qui est quand même très dispendieux, très particulier. Ce sont des personnes qui souvent occupent des hautes positions professionnelles, politiques, ou alors qui occupent leur temps par beaucoup de loisirs, par une sociabilité intense, voilà, qui sont insérés dans des cercles mondains, voilà, et donc qui disent ne pas avoir le temps de se consacrer aux tâches domestiques, et donc en fait qui externalisent ces tâches domestiques-là, et qui par ailleurs, matériellement, ont souvent plusieurs propriétés, en France ou à travers le monde aussi, et qui donc ont besoin de personnel pour entretenir concrètement. Donc c'est un premier facteur, c'est le facteur purement matériel en fait, et lié au train de vie que ces personnes-là ont. Et donc ce train de vie-là, il est aussi lié à une deuxième raison, qui est une raison, on va dire, plus distinctive, comme on dit en sociologie, plus symbolique, qui est, comme le faisaient les aristocrates à l'époque, qui est, encore une fois, on pourrait parler aussi de fonction d'apparat aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer sa richesse par le fait de pouvoir employer à son service des gens qui s'occupent de soi. Voilà. Dans un pays... Et à une époque, donc la France, à une époque, le 21e siècle, où c'est quand même très rare d'avoir quelqu'un à son service au quotidien en permanence. Donc c'est d'autant plus distinctif quand on en a 10 au quotidien à son service. Chacun choisit son confort, chacun choisit son luxe. Charles-Antoine de Vibray. Dans nos familles, on préférait effectivement, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, s'entourer de services, mais pas partir en vacances. Bon, il y a des gens, il y a prendre 50, 60 ans, ils préféraient n'avoir personne, mais faire 4 fois le tour du monde. Voilà, c'était leur conception, non pas du luxe, parce que le luxe est ostentatoire, mais du confort. Voilà, ça faisait partie d'un certain art de vivre. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre mère au contact d'Annette, lui transmettant aussi des choses, du savoir-vivre, l'étiquette à la française, le fameux service à la française ? Non, alors d'abord, attention, parce qu'en fait, Cheverny, c'est pas la cour d'Angleterre, hein, loin de là. Hein. C'était en fait, c'était assister une famille dans sa vie quotidienne. J'ai entendu toute ma vie des directives. Voilà, on fera plutôt ci, on fera plutôt ça. Hein. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là, de donner un cadre de travail. Là où c'était peut-être le plus enthousiasmant, à la rigueur, pour Annette, c'était au moment où il y avait des grands dîners, par exemple. Parce que ça, c'est forcément, c'était un petit peu dans leur carrière, un genre de summum, quand un service se passe bien, quand tout le monde remarque, grâce à vous, tout est parfait, que les plats arrivent chauds, que c'est bon, que tout est bien agencé. Dans chaque métier, il y a des moments un petit peu d'apothéose. Et je pense que pour elle, l'apothéose était un moment où elle pouvait montrer à tous les convives que nous avions l'étendue et la qualité de son savoir-faire, tout ça empreint de discrétion et de gentillesse. Alors, les verres, expliquez-moi ce que vous aviez fait pour les verres. Alors, les verres, j'en ai mis deux. Oui. Celui-là pour l'eau. Vous avez choisi un verre à pied, mm-hmm. hein, pour le vin, mm-hmm. et un verre à fond plat pour l'eau. Oui, très bien. En l'occurrence, vous auriez dû mettre le verre à vin assorti au verre à eau, parce que dans les maisons, nous avons ce qu'on appelle des services de verre. Oui, hein. C'est vrai. Et ça, vous m'avez travaillé ça comme à l'hôtel. Hein. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que les maisons, c'est différent oui, de l'hôtel. C'est pas la même conception, on n'a pas les mêmes objets, on n'a pas les mêmes choses. Ouais. Mais quand vous savez tout, vous connaissez tout et vous comprenez ce que vous faites surtout. Sinon, c'est un mixte total de toutes ces notions. Et il faudra inverser les verres, c'est-à-dire qu'il faudra me mettre le verre à vin à droite. Du verre à eau. Voilà, le verre à eau est toujours à gauche quand on regarde un couvert. Le verre à vin rouge à droite. Et si on avait un deuxième vin qui serait le vin blanc, on aurait un verre identique, plus petit, et on a la déclinaison des trois verres. Voilà. Hein? Écoutez, pour un galop d'essai, je trouve que c'est déjà très très bien. Voilà. Comment vous avez appris à maîtriser cet art de la table, Caroline de Valroger ? D'où ça vous vient ? Alors, moi j'ai appris par mes origines familiales, par ma mère qui était une excellente maîtresse de maison, qui a quand même toujours été servie. Hein. Mes mamans avaient une emprise vraiment sur la maison. Alors que la génération d'avant, ma grand-mère et encore plus les arrière-grand-mères que j'ai pas connues mais dont j'ai beaucoup entendu parler, alors là c'était une génération où les femmes ne savaient strictement rien faire et elles étaient servies aussi bien à Paris, dans les grands appartements dans lesquels elles habitaient, dans les campagnes, où évidemment on avait des énormes propriétés, où on était très nombreux l'été et où il y avait vraiment ce qu'on appelle toute une domesticité avec une hiérarchie du majordome ou de la gouvernante générale, les femmes de chambre, la cuisinière, les nounous pour les enfants, le chauffeur, le jardinier, etc. Et puis après, c'est complètement tombé parce qu'il y a eu le bouleversement après la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que la société française a totalement changé, a été complètement bouleversée. Tout cet art de vivre français, toute cette manière de vivre très légère qu'on avait encore dans certains milieux, est complètement tombée. Hein. Qu'est-ce que vous dispensez dans ces formations, au-delà de l'art de la table, dans ces formations que vous animez avec Laurence Marceau dans votre château dans le Cantal ? Nos stagiaires viennent et sont à demeure, c'est-à-dire qu'ils sont nourris, logés, à demeure pendant 15 jours, dans une maison, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment en situation, puisqu'ils ont ma maison hein, à entretenir et à organiser toutes les tâches. Évidemment, il faut y faire les repas, parce qu'on est au minimum 8 ou 10, selon le nombre de stagiaires. Donc, tous les jours, il faut assurer un déjeuner, un dîner. Donc, il faut quand même le faire. Donc, il y a toute la partie course, la partie cuisine et tout l'entretien de la maison, bien évidemment. Nous commençons toujours par le cours sur le comportement, parce que le comportement, c'est 80%, je dirais, du poste. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas un bon comportement, en général, on reste pas dans un poste. Tous les gestes d'amabilité, de toute l'anticipation qu'il faut avoir dans une maison, la façon de s'effacer dans un couloir quand on croise ses patrons, la façon de dire bonjour le matin, la façon de saluer, la façon de se présenter quand on va à un entretien d'embauche. Il y a une façon de s'adresser à ses patrons. On introduit une phrase en disant monsieur, madame, on essaye de dire madame, désirez-vous telle chose, à madame, à quelle heure désirez-vous déjeuner ou dîner. On essaye de pas employer les mots comme on va manger ou on va à quelle heure on mange. En fait, ça, c'est des mots vraiment à exclure parce que nous avons un mot qui est le déjeuner, un autre mot qui est le dîner et c'est fait pour être employé. Et on mange pas. Ou alors on mange, comme je dis, un complément d'objet direct, on mange une pomme, un steak, mais on ne mange pas tout seul. On déjeune ou on dîne. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on apprend encore? Toute l'organisation des plannings, hein, les tâches se font en roulement, hein. Plus les maisons sont grandes, plus il faut faire rouler les tâches, donc il faut faire des plannings très serrés. Il y a des maisons dans lesquelles une gouvernante sera amenée à faire travailler d'autres personnes, donc il faut aussi... tout l'aspect relationnel, hein, toute l'entente relationnelle, aussi bien avec les patrons qu'avec les fournisseurs de la maison, qu'avec le reste du personnel de la maison. Qu'est-ce qu'on leur apprend encore? Il y a tellement de choses. On apprend à faire une valise pour son patron qui part à toute vitesse à New York. Il faut être capable de faire en une heure la valise de monsieur, même parfois en 30 minutes. Hein. Donc une bonne gouvernante, un bon majordome, il a des checklists. Et à chaque occasion, il peut sortir sa fiche. Hein. Si monsieur part à New York 3 jours et qu'il lui dit vaguement les rendez-vous d'affaires qu'il aura, le charity dinner qu'il aura à New York ou ailleurs... Il faut qu'on sache mettre les vêtements qu'il faut, s'il faut emporter un smoking, s'il faut emporter une tenue soirée, s'il faut, voilà. Hein. C'est ces jours de formation donc, qui durent 15 jours, nourris, logés, vous le disiez, ça coûte combien? C'est 2 500 €, si je ne me trompe, hein, à vérifier quand même, mais je crois que c'est ça, 2 500 € pour les 15 jours. Jules Montbrillon, alors vous, vous avez 70 ans et vous avez commencé dans le métier de majordome à l'âge de 24 ans. Comment vous êtes entré dans ce métier? Ah, je suis entré dans la carrière tout à fait au hasard en effectuant un stage à Conrad Grata Hotel à Zermatt, dans le Valais. Et nous avions des clients un peu particuliers. Ils arrivaient avec leur hélicoptère privé. Et quand je les ai vus sortir de l'hélicoptère, ils avaient une tenue de ville. Alors j'ai placé au sol des plaids pour qu'ils ne glissent pas. Ils ont apprécié ma réaction. Et puis le soir, lors des dîners, c'est là qu'ils m'ont proposé de devenir le majordome à leur service. Alors c'était une famille suisse-alémanique, des capitaines d'industrie. Et ils m'ont demandé si je parlais le Swiss Dutch. Et puis je dis oui, ça va, c'est bon, l'italien, l'anglais, le français... Et à l'époque, je ne m'attendais pas à devenir majordome. Moi, j'avais uniquement suivi les cours d'une école hôtelière, en cuisine, en salle, en gouvernance et entretien, évidemment, des locaux et comptabilité. Et c'est lors de ces stages où je suis arrivé et j'ai découvert qu'il existait une autre alternative que j'appelle l'hôtellerie domiciliaire. L'hôtellerie domiciliaire, c'est prendre en charge toute la logistique d'une famille occupée en gérant tous leurs soucis du quotidien. Vous allez donc faire vos premières armes de majordome au service de ces Suisses allemands, Jules Montbrillon. Et par quoi ça va passer? Donc ils ont fait leur séjour. Pendant le séjour, on leur a servi des repas. Alors le matin, c'était des Kaiserschnitt, ce que vous appelez en France des croque-monsieur, mais ça c'est plus gros. Et le soir, on faisait un dîner habillé et tous les serveurs étaient habillés en tenue à la française, à 2800 mètres d'altitude. On portait avec des brancards les plaids, avec un petit orchestre qui mettait l'ambiance. Et moi, je me pliais aisément au jeu. Je trouvais ça génial parce que comment dirais-je, dans le majordome, comme le maître d'hôtel, on est des acteurs qui rentrent sur le terrain. Et autant donner tous les jours un spectacle fabuleux. Il faut préciser, Jules Montbrillon, que vous ne veniez pas du tout de cet univers. Je crois que votre père était berger, c'est ça? Oui. Dans quel environnement vous avez grandi? Ils ont fait l'élevage des vaches, etc., des fromages, la vie à la campagne normale, si on peut dire. Nous étions 7 enfants. Et près de chez nous habitait un couple, une grande dynastie suisse, qui n'avait pas d'enfants. Alors mes parents m'avaient un petit peu prêté à cette famille. Et le monsieur et la dame, n'ayant qu'un enfant adoptif, si on peut dire, ils m'ont formé aux usages, aux protocoles. Parce que, vous savez, quand on est ado, on est ingérable souvent. Et ils m'ont appris jusqu'où ne pas aller. Et les bonnes choses, le savoir dresser une table, savoir recevoir l'ordonnancement du repas. Et puis, au fur et à mesure, quand je suis arrivé à 15-16 ans, j'ai pris conscience que finalement, j'aimais ce métier. Et je voulais en faire mon métier. Est-ce que l'idée de formation a refait surface au cours de ces dernières décennies, Alizée Delpierre, et si oui, de quelle manière a-t-elle évolué ? Alors oui, ça a évolué avec une autre logique qui est venue donc s'installer en France, qui est celle de la logique de marché, la logique économique, qui fait qu'à partir des années 60-70, la création d'emplois domestiques s'est inscrite dans les politiques publiques française. C'est-à-dire que l'État français encourage la création d'emplois domestiques, notamment par des avantages fiscaux. C'est-à-dire concrètement, aujourd'hui, si vous employez une femme de ménage, vous pouvez bénéficier de déductions fiscales ou de crédits d'impôt. Donc l'État français a créé ce qu'il appelle un secteur des services à la personne qui regroupe une multitude de métiers, la garde d'enfants, le jardinier, le cuisinier à domicile, voire parfois le prof à domicile. Et donc, les déductions fiscales dont on peut bénéficier comme employeur de service à la personne s'appliquent pour tout ce genre de métier. Toutes les tâches, qu'elles soient jugées essentielles, non essentielles, etc., sont incluses dans ce dispositif d'encouragement-là. Et donc, il y a un intérêt très fort pour l'État de créer ces métiers-là pour résorber le chômage. Et pour réguler ce secteur-là, ou du moins l'encadrer, il y a la formation. C'est-à-dire qu'il existe un institut en France qui s'appelle l'Institut Hyperia, qui aurait pour objectif, en fait, de monter en gamme, en quelque sorte, ces emplois pour dire, bah, en fait, ce sont quand même des emplois qui nécessitent des compétences, des diplômes, etc. À côté de ça, il existe aujourd'hui aussi des écoles de domestiques haut de gamme, tels que moi je les ai étudiés, qui sont des formations un peu plus longues, qui durent quelques semaines, et qui proposent à leurs élèves, en fait, d'être en immersion dans un château ou dans une villa, pour recréer les conditions réelles d'emploi espéré futur chez des très riches. Comme la maison marche bien avec vous, Steven, c'est merveilleux. Merci, monsieur. J'ai dû faire appel à trois filles du village en plus. Monsieur, et je crois pouvoir vous promettre que la maison pourra tourner comme une horloge quand Madame Lewis arrivera, monsieur. À la bonne heure, merci. Merci, monsieur. À propos, je verrai une éventuelle nouvelle intendante cet après-midi, une certaine Madame Muspratt. Excellente référence, elle était surveillante dans un établissement scolaire de garçons du Sussex. Surveillante, hein ? Oui, monsieur. On peut avoir un point de vue un petit peu critique sur ces formations, puisque, d'une part, elles coûtent très cher. Puisque pour être formé pendant 2 mois, il faut débourser 15 000 dollars. Donc moi, je trouve ça très cher. Mais parce que ce sont des formations qui sont pas du tout financées, pour le coup, par les États. Hein. Ce sont des formations privées. Voilà. Donc ça pose aussi la question de qui a accès à ces formations-là. Hein. Les élèves de ces formations, c'est des élèves qui sont pas issus des classes les plus populaires, ou si ce sont des élèves issus des classes populaires qui, parfois, ont été amenés à faire des crédits importants pour se payer cette formation, et qui, du coup, nourrissent un espoir énorme dans le fait de, après avoir été formé et en sortant de cette formation, je vais tout de suite trouver un emploi de majordome. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait ces formations, dans la majorité des cas, n'arrivent pas à se placer chez des très riches. Parce que déjà, il n'y a pas non plus 3 milliards d'emplois chez les très riches, parce que c'est aussi, il faut être inséré dans des réseaux auxquels ne donnent pas toujours accès ces formations-là. Il y a aussi un décalage entre ce que proposent ces formations et ce que veulent aussi les très riches. Parce que ces formations nourrissent un imaginaire de ce qu'était la domesticité chez l'aristocratie européenne à une certaine époque. Sauf qu'aujourd'hui, des personnes qui ont des majordomes en queue de pie, il n'y en a plus beaucoup. En fait, j'en ai très peu rencontré. J'en ai rencontré, mais c'était un cas, en fait, dans tous les cas que j'ai pu avoir sur mon terrain de recherche. Aujourd'hui, moi, j'ai pu pénétrer dans des villas où, en fait, si on ne me disait pas que la personne était majordome, j'aurais jamais vu que c'était un majordome, en fait. La personne était en jean, etc. Par ailleurs, ces butlers sont formés à servir à table, à disposer la table d'une certaine façon. Mais en fait, ça, c'est un point de vue extrêmement européen et aussi français, parce que ce qui est rigolo, c'est que dans ces écoles-là, il y a une référence à l'art de servir à la française, même quand ces écoles sont en Afrique du Sud, parce que l'art du service français est connu internationalement. Sauf qu'en fait, les nouveaux riches sud-africains, déjà, ne mangent pas tous à table ensemble avec des personnes qui les servent à table. Et donc, en fait, il y a un décalage à la fois, je dirais, culturel aussi, entre ce qui est dispensé dans ces formations et social. Ça explique qu'il y ait beaucoup d'écoles de butler qui aussi ont fermé. Il n'y a pas vraiment de marché, en fait. Je le mets là. Et on sert à béchamel. Oui, c'est fait là. Mes compliments à la cuisinière, n'est-ce pas, Betty? La belle peau croustille. Je suis sûr que vous avez été très spirituel, Charles, et vous seriez bien inspiré de nous en faire profiter, nous qui n'avons pas eu la chance de vous entendre. J'ai dit que les Bruxelles, ils étaient à mon goût, Monsieur Stevens, tout ferme, pas en bouillie. Les choux de Bruxelles, Charles, pas les Bruxelles. Ce n'est pas vrai, Georges? Si, Monsieur Stevens. Vous me pardonnerez de vous avoir corrigé, j'imagine, comme je leur ai pardonné. À votre âge, eu égard à mon éducation. Comme j'imagine que même vous, Charles, vous avez l'ambition de vous élever dans votre profession. Oh oui, Monsieur Stevens. Je veux devenir majordome pour qu'on me dise monsieur et pas Charlie. Je veux m'asseoir dans mon office, près du feu dans la cheminée, et fumer mon cigare. Je me demande si vous savez vraiment ce qu'il faut pour être un grand majordome. Il faut de la dignité. Voilà ce qu'il faut. Merci, Monsieur Stevens. De la dignité, parfaitement. De la dignité. En voici la définition officielle donnée par notre revue The Gentleman's Gentleman. Un grand majordome doit posséder une dignité. Conforme en tout point à sa position. C'est pour vous, Monsieur Stevens. Merci. Pendant vos 40 ans ou plus de carrière, Jules Montbrion, vous avez travaillé pour différentes grandes familles, et notamment une personne que vous appelez mon monsieur. Alors, j'ai passé en fait plus de 20 ans, je crois que je l'ai trouvé, il avait 70 ans, enfin 70 ans à peu près. Et il venait être éjecté du siège éjectable de président, directeur général d'une grande entreprise. Son fils voulait prendre la suite. Et on s'est dit, pour occuper l'ancêtre, on va lui donner un majordome. Mais il avait un sacré caractère, bien, bien trempé. C'était un monsieur qui avait fait la guerre 39-45, un service spécial, grand stratège. Et être à la tête d'un empire pendant des années, puis d'un coup, ne rien faire, c'était compliqué. Donc on l'a présenté, on m'a imposé un petit peu à lui. Donc je me suis adapté au personnage. Et puis, il est arrivé, à un moment donné, une espèce de transfert affectif l'un vers l'autre. Et je l'ai vu d'une manière assez particulière. C'est quand arrivé le vendredi soir, que je m'absentais le week-end, qu'il avait fréquemment des petits maux d'estomac ou à la tête ou des fatigues. Il me disait, tu ne veux pas rester, tu ne veux pas rester le week-end avec moi, etc. On ira faire ci, ça, avec ça. Et puis après, au bout de 4 fois qu'il me fait le coup, si on peut dire, j'ai dit, écoutez, je vais m'installer ici. Voilà. Alors, je vais m'installer dans la maison et je vais vivre auprès de vous. Ah, il me dit, ok, d'accord. Et puis le soir, je me souviens, le premier soir où je me suis installé définitivement, à demeure, si je peux dire, j'ai dressé 2 couverts dans la salle à manger. Et puis il me regarde, il me dit, en attendant quelqu'un. Je dis, non, comme j'habite là, dorénavant avec vous, je mange avec vous. Je ne vais pas manger à la cuisine et vous là. C'est un peu, ça n'a pas de sens. Ah, il me dit, si tu commandes, il n'y a pas de souci. Et voilà, et c'est comme ça que s'est créée l'ambiance, s'est créée la relation. Puis il m'a fait découvrir l'art, il m'a fait découvrir tellement de choses dans la vie. Est-ce que vous savez ce que c'est un bol sain? Voyez. Ah, un bol sain, c'est une faïence exceptionnelle qui était le moulage en fait d'un sein d'une impératrice. et qui était posée sur une espèce de trépied. Voilà. Donc il m'a appris ces choses-là, les montres à complications, reconnaître un vernis, reconnaître une frame, un cadre. Il m'a appris à voir, à découvrir le beau, mais dans tous les domaines. Alors particulièrement les miniaturistes du 18e, 19e siècle, voilà. Isabey, je peux pas les citer tous. Alors avec lui, nous venions très fréquemment à Drouot. C'est là où nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, comme il était assez connu, et il me demandait de lever le bras pour lui dans les enchères. Et alors, le commissaire-priseur, au début, il disait « Vous êtes connu ?» Après, j'étais reconnu. Et on déjeunait toujours dans le coin, dans un petit bistrot dans le terrain. Sauf si on avait une invitation importante dans un palace ou un restaurant étoilé. Là, je me retirais, je me mettais un petit peu en retrait. Mais bon, il souhaitait quand même que je déjeune dans le restaurant, mais à une table à part. Vous viviez où avec monsieur ? On habitait à Neuilly, près du parc Saint-James, un immense motel particulier, avec un immense jardin. Comme c'est une maison qui avait été construite sous le baron Haussmann, donc il y avait une espèce de porche où devaient rentrer autrefois les équipages de chevaux. Et puis il y avait un grand escalier, l'escalier central, qui conduisait à la distribution de toutes les pièces dans la maison. Sur trois étages, il y avait à droite et à gauche, il y avait une enfilade de pièces. Une qui était le salon, le dressing, la chambre, la salle de bain, les mêmes de côté. En haut, il y avait des espèces de salles de réception, de réunion. Nous occupions donc le premier étage. Voilà, lui était à droite, moi j'étais à gauche. Mes portes étaient ouvertes et il me dit « Tu dors, Jules ?»« Non, je ne dors pas, etc. » Donc on avait un échange et tous les matins, j'avais la trouille qui s'endorme définitivement. Donc j'allais à la pointe des pieds dans sa chambre pour voir s'il dormait. Il me dit « Ah, c'est toi ? » ?»« Oui, oui, c'est moi. » Nous étions tous les deux, mais nous avions une gouvernante quand même. Elle m'a appris par sa présence comment traiter le linge de maison, comment l'entretenir, comment le stocker, comment veiller à ce que les parasites n'atteignent pas le tissu. Donc elle m'a appris beaucoup de choses, dont hyper important, le cirage des chaussures. Voilà. Cirage des pompes, ça c'est une vertu de beaucoup de personnes, mais cirer les chaussures de monsieur de façon que... qu'elle s'exprime quand on marche. Voilà, monsieur aime beaucoup ce bruit. Clac, les chaussures, elles s'expriment. Voilà, donc, voilà. Et après, plus tard, arrivera un autre majordome, parce que j'arrivais pas à être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il fallait s'entendre, c'est que je souffle. Mais on avait une maison qui était assez agréable à vivre, et j'avais installé dans l'immensité du jardin un poulailler. Et c'était un rituel le matin d'aller récolter les œufs. Des œufs frais pour notre petit déjeuner. Voilà, on avait mis des arbres fruitiers, des espaliers de fruits, des fruits rouges. Les jardiniers entretenaient cette maison, ce jardin entièrement. Quoi, donc. Qu'est-ce que vous racontez ? Comment cela, il en dit long ? Mon Dieu, c'est une très belle fille. Qu'en dites-vous ? Vous trouvez ? Vous avez horreur de voir de belles filles dans nos rangs, je l'ai bien noté. Est-il possible que notre monsieur Stevens ait peur des distractions ? Se peut-il que notre monsieur Stevens ne soit pas de bois après tout et qu'il se méfie de lui-même ? Si vous voulez tout savoir, Miss Kenton, mes pensées vont ailleurs pendant que vous débitez vos fadaises. Alors pourquoi ce sourire coupable flotte-t-il sur vos lèvres ? Oh, il n'est pas coupable, simplement amusé par les sottises que vous proférez. C'est un sourire coupable. Vous osez à peine la regarder. Vous ne vouliez pas d'elle car vous la jugiez trop belle fille. Vous devez avoir raison, Miss Kenton. Comme toujours. Est-ce que vous avez réussi, Jules Montbrion, à concilier vie professionnelle, donc au service de ces différents employeurs richissimes pour certains, et votre vie privée, votre vie familiale ? Eh bien, ça a été très, très difficile. J'ai eu des aventures éphémères, puis un beau jour, il y en a une qui a été un peu plus pérenne, mais ça n'a pas duré parce que j'étais marié avec mon employeur. J'étais marié avec mon job, voilà. Ce personnage que vous évoquez d'Anthony Hopkins, donc dans Les Vestiges du Jour, film de James Ivory, il est en effet complètement dévoué à son maître, qui est un comte, mais aussi dévoué à ce domaine, puisque finalement, il va passer de ce comte à un riche propriétaire américain qui prendra la suite. Et donc, c'est comme s'il était vraiment attaché à une maison aussi. Oui. Moi, j'avais cet attachement. Effectivement, la maison, elle vous appartient. Vous la connaissez mieux que le propriétaire. Et chez mon monsieur, par exemple, j'avais exploré les greniers. C'était une vraie caverne d'Alibaba. C'est la salle de Rome multipliée par 10. Vous l'appelez mon monsieur. Pourquoi vous dites mon monsieur ? Je l'appelle monsieur parce que c'était un peu mon père, avec un homme énormément de respect. Et il y avait un échange de regards, une espèce de complicité qui dérangeait des fois le fils et le restant de la famille. Parce que je savais, par son regard, je savais ce qu'il me demandait. Vous voyez, alors, mon monsieur, c'était une matière affective en mettant qu'il m'appartenait un petit peu. Moi, je lui appartenais, mais il m'appartenait un petit peu. Là, mais ça, c'est, je peux vous assurer franchement que c'est, dans toutes les aventures de ma vie, ça s'est pas toujours passé comme ça. Hein. Oui, il y a eu une aventure, une expérience professionnelle qui a duré quelques années, où une structure qui était assez immense, avec une hiérarchie bien bombe posée. Il y avait un majordome du matin, un majordome du soir, un majordome pour monsieur, un majordome pour madame. Et puis chacun, évidemment, essayait de se balancer sur l'autre, ces choses qui n'avaient pas fini. Et on avait l'impression, quelquefois, que les maîtres, ça les amusait, cette lutte intestine, cette petite concurrence dans leur personnel. Et vous étiez payé combien ? Alors, peut-être pas à chaque fois la même chose, mais non. Je ne suis tombé, en gros, jamais au-dessous de 7-8 000 francs suisses nets mensuels, net d'impôts et taxes. Donc en euros, c'est à peu près pareil, c'est équivalent. Oui, c'est à peu près l'équivalent. Dans la domesticité, ce qui est très intéressant quand on s'intéresse aux transactions qui sont faites entre employeurs et employés, aux transactions économiques, matérielles, aux objets qui s'échangent, toutes ces transactions-là, et notamment les cadeaux, sont faites justement pour, moi, ce que je dis souvent, euphémiser la dimension salariale de la relation. C'est-à-dire que ces domestiques-là, on les paye pour être à notre service, mais en fait, on leur fait croire que ce sont des membres de la famille, qu'on les choisit, entre guillemets, parce qu'on leur offre plein de cadeaux, parce qu'on leur permet parfois d'accéder à la piscine sur des heures de la journée qui sont dédiées aux domestiques, que ça soit même des contacts, parce que parfois les employeurs, par exemple, peuvent décrocher un rendez-vous chez le dentiste pour leur employé. Très rapidement, et ça c'est un avantage en nature aussi que peuvent avoir des employés qui n'ont pas un réseau social énorme. Et donc tout ça, ça contribue par derrière à renforcer le dévouement de l'employé. C'est-à-dire que l'employé se sent redevable de l'employeur. Et ça, les employeurs sont très forts pour trouver un tas de stratégies qui permet de leur dire, bon ben voilà, vous avez vu tout ce que je vous offre, donc de l'autre côté, vous m'êtes redevable et vous me devez aussi en quelque sorte fidélité. C'est aussi pour acheter la fidélité de l'employé. Tout récemment, monsieur. Monsieur m'a obligeamment suggéré de m'octroyer quelques congés. Une escapade à travers le pays. Absolument. Vous soufflez un peu, courez le monde. Merci, monsieur. Partez donc pendant que je suis à Londres la semaine prochaine. Je vais vous dire, prenez la voiture, prenez la Daimler. Oh, Seigneur, c'est pas pour ça. Vous et cette Daimler, vous allez ensemble, Stevens. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est fort aimable à monsieur de me dire cela. Fort aimable. Eh bien, j'avais l'intention de voyager dans l'ouest du pays, car je crois savoir que l'on y trouve de splendides points de vue. Et je pourrais incidemment être à même de résoudre nos problèmes de personnel en voyant cette partie du monde. Une ex-intendante qui présentement vit à Clevedon vient de m'indiquer, monsieur, qu'elle pourrait fort bien vouloir reprendre du service. Qui est-ce, votre bonne amie ? Apprendre à servir. Ou est-ce plutôt une de vos ex-conquêtes ? Avec des extraits du film Les Vestiges du Jour de James Ivory. Une intendante très capable, monsieur. Une intendante des plus capables. Je vous taquinais, Stevens. Oui, monsieur. Désolé. Merci à Caroline de Valroger et Cynthia, Alizée Delpierre, Jules Montbrillon et Charles-Antoine de Vibray. Mixage Philippe Mercher, coordination Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Anne Fleury. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en astiquant l'argenterie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.